un mot de trop et l'on se quitte. Pour la 12e ou 13e fois, c'est notre passion favorite, ces adieux qui ne durent pas. Je ne fais pas le premier geste qui pourrait nous réconcilier, et toi tu ne me dis pas reste. L'orgueil t'empêche de parler. Je ferme doucement la porte pour ne pas rompre le silence. Et voilà que mes pas m'emportent et que ma vie prend ses distances. Tu es certaine que je t'aime et tu te dis au fond de toi, il reviendra bien de lui-même, c'est encore vrai pour cette fois. Au bout de quelques jours à peine, je prends le chemin du retour. C'est la trêve, finit les scènes, on file le parfait amour. Ça durera quelques semaines, mais un jour, pour un mot de trop, quand la coupe sera trop pleine, je repartirai à nouveau. Et puis je reviendrai bien vite, et tu me rouvriras les bras. C'est notre passion favorite, c'est ça Dieu qui ne dure pas.